Le coupon de loge d'Edmond Cosse. Cet excellent baron Alban de Serport était un de mes amis d'enfance. Maître à 20 ans d'une très jolie fortune, laissé par un de ses oncles, mort beaucoup trop tôt pour le plus grand bien de son héritier, il fit de son mieux pour jeter de l'argent à tous les coins de Paris. Ce genre de semaille sur les pavés de la capitale produit en général d'assez mauvaises récoltes, et ses parents, en gens expérimentés, l'engagèrent à se marier pour éviter de pires sottises. Comme ils habitaient au fond de la province, Alban fut laissé à lui-même pour se mettre en quête d'un gros sac. Je ne sais si, en dehors de la question d'argent, mon ami avait des idées bien arrêtées sur le mariage. Dans tous les cas, il n'avait pas encore atteint l'âge heureux auquel nous nous appliquons à mettre nos actions en désaccord complet avec nos théories. Je ne sais pas non plus s'il avait étudié bien à fond le caractère de sa fiancée ou même pris sur elle des renseignements sérieux. Ce sont choses que j'ignore et qui d'ailleurs ne me regardent pas, ni vous non plus. Il me semble les voir encore pendant le lunch qui suivit la cérémonie religieuse. Le baron Alban et la baronne Elvire, car elle s'appelait Elvire, recevaient dans leur petit hôtel du parc Monceau. C'était déjà une note fantaisiste et témoignant, chez la famille de la mariée, d'un manque de tradition patriarcale. Elle avait 16 ans tout juste, la mariée, l'air d'une fillette en pleine croissance, le nez trop retroussé pour ne pas être fantasque et très curieuse de ce que peut bien être l'au-delà d'une vie tempérée par la saine raison. Des lèvres trop épaisses pour être sages et point assez pour ne pas être mauvaise. Des yeux ni grands ni petits, avec ce regard à la fois vague et chercheur de celles que tout étonne et qui ne veulent être étonnées de rien, trouvant toujours que ce n'est pas ça et qu'il doit y avoir autre chose. Une physionomie chiffonnée qui pouvait devenir adorable un beau jour, ou tout au moins drôlette, mais qui pour le présent ne disait absolument rien. En revanche, une gourmandise formidable, mangeant des gâteaux et des pains au foie gras, avec l'appétit désordonné d'une pensionnaire que l'on conduit chez le pâtissier après une distribution de prix. C'était en un mot un petit sphinx ébouriffé qui se disposait à présenter une série d'énigmes dont ce pauvre Alban ne semblait nullement fait pour être l'Oedipe. Je n'ai jamais possédé de notion bien exacte sur l'auteur de ces jours, très imposant d'ailleurs. Il me semblait tenir le milieu entre l'épicier du coin et le marchand de denrées coloniales, acquéreur de quelques châteaux princiers. Il est fort à croire qu'il avait commencé par être l'un et qu'il était devenu l'autre. Au reste, l'espèce humaine m'a toujours paru être divisée en deux catégories, ceux qui tombent dans la mélasse et ceux qui en sortent. La famille de Serport avait l'air de trouver qu'Alban faisait une sottise de plus, et que celle-ci avait en outre le désavantage d'être irréparable. Enfin, quelles fussent les impressions de chacun, la foule s'écoula et laissa les deux époux en tête à tête dans leur nid capitonné. Le voyage de noces eut lieu par une éclipse totale de lune de miel. Alban parcourait les monts de l'Helvétie à la recherche du bonheur. Le bonheur ne vint pas. Il mettait une malice extrême à s'enfuir sur lui hauteur lorsqu'Alban était au fond des précipices. Et si l'infortuné gagnait les sommets tout essoufflé, il s'écoulait bruyant et narquois avec l'eau des torrents. Mais ce qu'il y avait de plus lamentable encore, c'était le départ pour les excursions. Alban descendait au moins 5 ou 6 fois dans la cour, suppliant les guides et les voyageurs d'attendre un moment encore, une toute petite minute, une de ces minutes, vous savez, qui n'ont pas plus de 58 secondes. Puis il grimpait l'escalier 4 à 4 et parlementait par le trou de la serrure. En général, les toutes petites minutes arrivaient à former une bonne demi-heure. Alors il fallait s'en aller piètrement avec le dernier guide, alléché par la promesse d'un gros pourboire, et les récriminations commençaient, tandis qu'Alban, courbant la tête, ne trouvait rien, absolument rien à répondre. Un coup terrible aussi, ce fut lorsqu'Elvire se présenta pour la première fois devant lui, revêtue de son costume d'excursion. Des tortilles partout. Elle était baronne de la tête aux pieds, baronne à faire frémir. Sur sa robe de laine, beaucoup trop courte, s'étalait une châtelaine armoriée qui eût pu servir d'horloge à tout un chef-lieu de canton. C'était un cadeau de son papa, lequel, redoutant la mesquinerie de la famille de Serport, s'était chargé d'offrir ce qu'il appelait les petits bijoux de la ville. En plus du côté gauche ainsi blasonné, Elle avait le cou serré dans une espèce de carcan dont l'agrafe se composait d'une forte couronne héraldique. Deux porte-bonheurs, surchargés de tortilles de belle taille, maintenaient chacun de ses bras en état d'arrestation. En la voyant ainsi cadenassée, Alban avait moins regretté le départ des voyageurs impatients. Pur enfantillage, s'était-il dit en manière de consolation. C'est le plaisir de la nouveauté, cela passera. Et le pauvre Alban fit tout son voyage de noces en se répétant à lui-même cette bonne parole, cela passera. Tout passe, en effet, même le plus mortel des wedding turns. Alban rentre à Paris se mordant les doigts, s'arrachant les cheveux, comme si ses voies de fête sur sa propre personne pouvaient le soulager efficacement de la furieuse envie qu'il avait de battre sa femme. Hélas, hélas, il était plus tranquille dans les vallées profondes au bord des lacs bleus. On était en plein regain de saison. Il fallut aller dans le monde, présenter sa femme. Elle l'avait voulu. Puis Alban s'était dit, non sans une certaine dose de bon sens, que peut-être il valait mieux la lancer quand la plupart de ses bévues pouvaient être mis sur le compte de sa grande jeunesse. Il supposait aussi que, vu son extrême ressemblance avec le singe, elle pourrait être dressée par un procédé d'imitation. C'était bien un procédé un peu scabreux et qui offrait plus d'inconvénients que d'avantages, mais Alban n'avait pas le choix. La petite baronne excita la curiosité, ce qui lui valut une manière de succès. Il n'en fallait pas plus pour monter une tête aussi mal équilibrée que la sienne. Bientôt, quelques détails, donnés fort innocemment, du reste, sur son voyage de Suisse, firent ouvrir l'œil au petit camarade de son mari. Ce fut alors à qui la conduirait au buffet, car le champagne la rendait très communicative. Au bout de 8 jours, les malheurs d'Alban n'étaient plus un secret pour personne. Madame de Serrepoix comprit qu'on la trouvait très chic, et que pour être une femme à la mode, le rêve de ses nuits de pension, il n'y avait qu'à continuer dans cette voie. Mais Alban se mit en colère et déclara qu'il ne jouerait pas plus longtemps le rôle de mari imbécile. Il était vraiment bien temps. Elvire tenait à sa réputation et ne voulait rien entendre. Comme elle commençait à grincer des dents, Serrepoix, qui savait de quoi elle était capable, trop courtois pour la mettre à la porte, fit ses mal et fit la sans dire où il allait. 10 années s'étaient écoulées. Chacun des deux époux jouissait de la vie à sa façon, en se gardant bien de se rappeler au souvenir de l'autre. Alban trouvait que la situation avait du bon. Il allait, venait, flirtait tout à son aise, libre comme l'air, inépousable, à l'épreuve des marieuses enragées et des mères au désespoir de voir leur fils attarder sur la grande route du célibat. Il avait quitté Nice furtivement, sa bourse s'y vidait trop vite, en compagnie d'une certaine Pamela, et s'en était allé méditer sur l'instabilité des choses de ce monde près des ruines d'Herculanum et de Pompéi. N'étant pas d'une nature essentiellement contemplative et ne connaissant personne, ce brave Serrepoix finit par s'ennuyer. Un jour qu'il errait dans les rues de Naples, l'idée lui vint en passant près d'un théâtre d'y retenir une place pour le soir même. Il entra dans le bureau de location. Tout était loué. Il ne restait plus qu'un seul coupon de loge. Oh, mais une loge superbe, par exemple, une loge de face, 75 francs. Alban ne voulait pas dire que c'était exorbitant. Il tira 4 louis de sa poche et les passa sous le guichet, avec un soupir qui s'adressait aussi à tous ceux qu'il avait laissés sur le tapis vert de Monte Carlo ou entre les doigts roses de mademoiselle Pamela. À 9 heures, il était installé dans sa loge, faisant des efforts désespérés pour s'intéresser à la pièce. Il la trouvait ennuyeuse et ne parvenait pas à débrouiller l'intrigue. Il est vrai de dire qu'il ne comprenait pas un mot d'italien, en dehors de « signor »,« cara mia »,« amica mia » et 2 ou 3 autres locutions également affectueuses. Il renonça bientôt à suivre le fil de l'imbroglio. Ah, encore un mot qu'il connaissait. Se casa dans un coin et se mit à examiner la salle avec sa lorgnette. Après 10 minutes, il se sentit fatigué et se mit à regarder avec ses propres yeux. Son attention fut attirée vers la loge voisine par le mouvement qui s'y produisait. Franchement, ce n'était pas la peine de chercher si loin ce qui était aussi près. Une jeune femme venait de s'asseoir au premier rang. Elle portait une robe de crêpe rosée, teinte reflet de moire, point de bijoux, point de fleurs. Elle n'était pas belle, mais jamais une belle femme n'avait possédé tant de charme. Elle avait des yeux éblouissants et tout petits. Un romancier n'eût jamais pu les décrire, à moins d'avoir recours à des expressions ignorées dans le métier, même par la jeune école qui décrit tout. Jamais une beauté régulière n'eût produit ce chiffonnement, ce minois félin et ce tout attrayant par le défaut de perfection même. La loge se remplissait d'admirateurs. Alban résolut de trouver, dès le lendemain, un moyen de se faire présenter. Il ne ferma pas l'œil de la nuit, cherchant des combinaisons machiavéliques pour se trouver une demi-douzaine d'amis intimes dans un pays où il ne connaissait pas une âme. « N'est-ce pas, madame, que ce pauvre Alban est vraiment bien ridicule ? Vous ne croyez pas au coup de foudre ? Eh bien, ni moi non plus. » 3 jours après, sous le pseudonyme d'Ilquin de Terrefeuille, qui le dérobait aux poursuites de Pamela, ce bon Serpore était devenu un des assidus de la baronne Grégory. Elle était tout simplement délicieuse, la baronne Grégory. Originale, indépendante, et avec cela, une âme toute neuve et une vertu, poussée jusqu'à l'ignorance même du mal. Puis, ce mystère qui planait autour d'elle, ces suppositions qui se multipliaient sur l'existence ou la non-existence du Grégory, car nul ne savait si elle était veuve, séparée ou abandonnée. Pourtant, on ne croyait guère à la première hypothèse, et les paris s'ouvraient volontiers sur la position sociale de cet époux invisible à l'œil nu. Les uns le disaient fort occupé à ramasser des pépites d'or pour le compte d'un gouvernement étranger, d'autres le supposaient fort affairé à découvrir les sources du Nil. Tous tombaient d'accord sur un point, c'est que le mari de la baronne était plus heureux qu'il ne le méritait. Alban devenait amoureux fou et gagnait visiblement du terrain sur ses rivaux. À présent, il maudissait son boulet préservateur et sa pacifique nature était en proie aux tempêtes les plus violentes. Il aurait voulu tuer le baron Grégory au cas où celui-ci aurait vraiment existé. Après tout, Elvire était-elle encore de ce monde ? Elle était bien femme à le quitter sans avoir eu l'attention de l'en faire avertir. D'un côté comme de l'autre, ne pouvait-on avoir recours aux agences créées pour faciliter les recherches des familles ? Elles ne sont certainement pas faites dans l'unique but de retrouver les chiens perdus. Alban rêva toute une nuit qu'il naviguait à la recherche des 2 actes de décès en bonne forme et qu'ayant fait naufrage dans une île habitée par des peuplades féroces, il retrouvait Elvire portant un anneau dans le nez, son anneau de mariage. C'était un beau soir d'Italie, tiède et parfumé. Le clair d'étoiles faisait jaillir 1000 diamants entre l'ombre des orangers. Alban et la baronne parlaient d'amour. Ils s'étaient tout avoués ce soir-là, et elle lui ordonnait de partir. « Si vous aviez voulu vous taire, disait-elle avec un soupir, vous seriez resté mon ami, rien que mon ami, mais à présent tout doit être fini entre nous. »« Vous êtes cruel, dit Alban. Vous me faites maudire plus que jamais la créature méchante, fantasque et vulgaire, que dans mon inexpérience j'ai sottement jeté dans ma vie. Vous aussi, vous êtes victime d'un homme indigne de vous posséder, et quoique vous n'ayez rien dit de lui, je découvre tout un passé de douleur, de tourment, de persécution peut-être. » Et comme il s'animait, elle lui posa la main sur le bras. « Hélas, dit-elle, peut-être eût-il mieux valu pour moi que ma vie eût été telle que vous la décrivez. Ce qui l'a brisée, c'est le vide. Ce qui m'a éloigné de mon mari, c'est sa ridicule insignifiance, son absurde faiblesse en face de mes caprices. S'il m'avait aimé, j'aurais supporté ses actes de colère, en les trouvant 1000 fois préférables à ses plates capitulations. Mais ne parlons plus d'un passé irrémédiable. « Et de quoi voulez-vous que nous parlions ? » s'écria Alban. « Vous qui me chassez de votre présence, vous qui refusez au bonheur du moment ?»« Il vous reste l'avenir, mon ami, » dit la baronne. « L'avenir ? Ma femme est jeune, et votre mari est-il d'un âge avancé ?»« Mon mari doit avoir 32 ans, » interrompit-elle. « Mais la vie de Paris, les chevaux, les cercles, le jeu, usent si vite. » « Et vous êtes au courant de l'existence qu'il mène ?»« Oui, par le Figaro. Il y a 6 mois, j'ai ainsi appris son entrée au jockey. »« 6 mois ? Grégory ? » s'écria Alban. « C'est une erreur, madame. Jamais, avant de vous connaître, je n'avais entendu prononcer ce nom, et moi-même, il y a 6 mois, j'étais reçu au jockey. Il en porte un autre. Parlez, parlez vite. » Plutôt ciel que le baron Grigori ne fût pas plus réel que son nom, dit la baronne avec tristesse. Alban la regardait les yeux fixes, car de vagues images semblaient passer entre elle et lui. « Mais alors, » dit-il enfin, puis se reprenant tout à coup, « et vous n'avez jamais trahi les serments faits à cet homme ?»« Jamais, » dit la baronne, et se cachant la tête entre ses mains, elle ajouta. « Et ne croyez pas que pour vous, Elvire !» interrompit Alban. Elle se leva, tressaillant à l'interpellation depuis longtemps oubliée. Ils se regardèrent et tombèrent dans les bras l'un de l'autre. « Ils y sont bien, ne le pensez-vous pas, madame ? Pour la première fois, après 10 ans de mariage, laissons-les ainsi. Mais si vous voulez prêter l'oreille un instant, vous entendrez Elvire, mettant un peu de malice dans beaucoup de joie, se pencher sur l'épaule d'Alban et lui murmurer à l'oreille. « M'aimerez-vous encore, maintenant que je ne suis plus le fruit défendu ?» Ainsi s'achève le coupon de loge d'Edmond Cosse.